92.2. Et bonjour, vous êtes sur Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 388 qui commence maintenant. Et bonjour, le morceau qui a entamé l'émission, morceau s'appelle Sodium Glow, c'est tiré de l'album Fragile Bodies des groupes Spite House, un groupe de Montréal, un trio qui fait entre l'emo punk et le punk mélodique. Certains morceaux font très bloc party et cet album est vraiment excellent. Donc cet album Fragile Bodies de Spite House. Sinon, au programme de cette émission, nous aurons un premier album de la semaine, un petit peu metal indus, on va dire. Assez rare d'avoir des albums de la semaine metal. On aura une petite séquence rock psychédélique. On aura de la pop rock indie un peu slacker. On aura un peu de trip-hop, un second album de la semaine, l'excellent One Star de Young Stotter. On aura de la pop atmosphérique, on aura du jazz, un troisième album de la semaine. Ça aussi, c'est assez rare d'avoir du jazz, un album de la semaine. Et on terminera par un très beau morceau de folk traditionnel. Donc, de suite, le premier album de la semaine, qui s'appelle Purge. C'est du métal industriel et c'est signé par les maîtres du genre, le groupe qui a contribué à définir le genre, quelque part, c'est Godflesh. Fameux duo, donc, composé de Justin Broctrick, qu'on ne présente plus, qui a son alias Jésus, avec lequel il a fait maintes choses merveilleuses, notamment cette collaboration avec Sunkill Moon, un des plus beaux albums de ces dernières années. Il est également membre de Napalm Death, il est une moitié Techno Animal avec The Bug. Il fait partie d'autres groupes assez marquants comme God, Ice ou Blood of Heroes. Voilà, c'est quelqu'un qui a un tas de projets, un tas d'idées. C'est quelqu'un très très important dans les musiques indé, Justin Broderick. Et son comparse, BC Green, qu'on connaît moins, qui est bassiste, et qui s'occupe aussi de Godflesh également, de beaucoup de machines, qui fait partie du groupe Fall of Because, Final ou Vitriol. Voilà, donc ils ont sorti ce nouvel album, Purge, un album de métal industriel aux motifs répétitifs, saturés, sombres. C'est obsédant, c'est angoissant, c'est hypnotisant. Et ils s'ouvrent également vers des choses un peu psychédéliques. Ils le font, mais super bien. C'est un super morceau psyché sur cet album. Voilà, c'est très expérimental. Mais ça s'écoute quand même, hein. Il y a de la mélodie. De temps en temps, ça c'est Justin Broderick qui l'amène, des rythmiques hip-hop, parce qu'il a beaucoup travaillé avec des gens qui viennent du hip-hop. Voilà, et il y a évidemment, comme d'habitude, beaucoup de lourdeur, mais cette lourdeur décroît au fur et à mesure de l'album, jusqu'à un final finalement assez éthéré, assez léger. Voilà, c'est un super album, hein, cet album Purge de Godflesh. On va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Lazarus Leaper et le second s'appelle Permission Godflesh. C'est parti. We'll be right back. Voilà, donc à l'instant, second extrait, notre premier album de la semaine, le morceau s'appelait Permission. Voilà, c'est phénoménal, album de Godflesh, chaudement recommandé pour ceux qui aiment ce type de sonorité assez, assez sonique et hypnotisante finalement. On poursuit avec une petite séquence rock psychédélique, on commence par White Hills, duo de New York. Composé de Dave W à la guitare et au chant, et de Ego Sensation à la basse et au chant aussi. C'est leur 12e album depuis 2003. L'album s'appelle The Revenge of Heads on Fire. C'est un rock psyché étrange, riche en fuzz, se concluant par un morceau de bravoure de 21 minutes, cet album. Hein. Le morceau s'appelle Don't Be Afraid, c'est pas celui qu'on va écouter maintenant. Le morceau qu'on va écouter maintenant s'appelle Oceans of Sound. White Hills, c'est parti. Ou à l'instant, on est resté dans le rock psyché, peut-être un petit peu plus calme que White Teens. C'était signé Ghost Woman, donc tiré de leur second album, pardon, And If. Je dis second, j'ai failli confondre avec premier parce que le premier est sorti à peine 6 mois plus tôt. Ce sont des gens qui sont visiblement assez productifs. Donc Ghost Woman, le morceau que tu écoutes s'appelle Brock, et le Ghost Woman, c'était un groupe. En fait, le projet quasi solo de Evan John Ishenko, qui nous vient de l'Alberta, donc un Canadien, et qui a déménagé actuellement en Arizona. C'était un album assez court, 11 morceaux, pourtant 3 minutes de musique. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître pour avoir tourné notamment avec King Gizzard and the Lizard Wizard, Jaco Garner ou The Mild Eyed Club. Avant de fonder ce projet Ghost Woman, donc un rock un peu psyché, 60s, façon Brian Johnston Massacre, qui mêle groove un peu crotte-rock et lancinant, donc à justement des mélodies un peu psyché, 60s. Parfois, il y a quelques riffs de guitare nerveux. Au niveau influence, on peut penser pour le côté crotte-rock à Can ou Beak, et pour le côté psyché 60s à Jefferson Airplane ou The Birds. Voilà, un chouette album, donc An If de Ghost Woman. On poursuit avec une séquence un petit peu 90s slackers, on va dire. Et on commence avec des vieux de la vieille, avec Quasi, donc Quasi plutôt. Qui viennent de sortir cette année leur 10e album depuis 1993, Breaking the Ball of Histories. Donc Quasi, c'est un groupe dont la membre la plus connue est sans doute la chanteuse Janet Weiss, qui fait partie de Sleater-Kinney. Alors, pardon, c'est pas une chanteuse, c'est une batteuse. Qui fait partie de Sleater-Kinney, Stephen Malmuke and the Jigs, Will Flaggs. C'est surtout une batteuse parce qu'elle chante un petit peu. Et voilà, donc des groupes assez importants. Elle est accompagnée de Joanna Bolm, qui fait la basse au sein de Stephen Malmuke and the Jigs, et de Sam Coons, pardon, son mari, qui fait de la guitare, du chant. Voilà, et puis un peu de clavier, des choses diverses. C'est dû à la pop rock indé vitaminée, super bien faite, avec un côté un petit peu pavement ou super grasse. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Riots and Jocks. juste après Quasi, on est resté dans des choses un peu rock and the 90s avec Annabelle Lee, pardon, tiré de leur album Drift, second album depuis 2020, le morceau Haig Anxiety. Donc Annabelle Lee, c'est un truc qui vient de Bruxelles, qui fait une pop rock and the 90s assez énergique et optimiste, avec un fort côté slacker, un chant un peu à la Courtney Barnett de leur chanteuse principale, Audrey Marot, pardon. Voilà, et ça fait y a un bon côté pavement aussi. Et à la production, il y a Amaury Sauvé qui décidément a réussi tout ce qui y touche. C'est ainsi qui est un peu le Dan Carré à la française, on va dire. On poursuit avec le second album de la semaine, qui est un peu trip-hop, donc qui nous vient d'Allemagne, de Berlin plus précisément, qui est signé Jungstotter. L'album s'appelle One Star. C'est son second album depuis le Love Is de 2019, qui avait déjà été ici, je crois, album de la semaine. Donc Jungstotter, c'est le projet solo d'un certain Fabian Alstotter, qui était avant le leader d'un groupe post-punk qui s'appelait César. Pardon, César, pas si César, César. Voilà, et qui, avec Jungstotter, a radicalement changé d'ambiance. C'est du trip-hop avec un côté clair-obscur, une production très riche. C'est quelque part entre le crooning sombre expérimental d'un Kering Krul ou d'un Scott Walker de sa fin de carrière, on va dire. Regretter Scott Walker, donc. Et quelque part aussi entre le lyrisme d'Anne Downey, anciennement Anthony De Johnson. Voilà, c'est un mélange assez riche, assez produit, assez lyrique. J'apprécie beaucoup vraiment ce style. Le morceau qu'on va écouter s'appelle R, on le fera suivre du morceau titre de l'album qui s'appelle One Star. Jungstotter, c'est parti. Through the limelight's pasty skin, are you feeling better when the white hits you right, nails you to a rag, dripping with night? You are a star. Engines, the traveling salesman riding on a temple. Sugarcoat anecdotes. Here's a cobbled way with words. Why take a left on a line of thought when the sky is littered with them? Only heavy hitters make it to the end. We're armored stars. Give me a star. Oh, we're poor little armored stars. Ooh, grip it, grip it. Make give it fall apart. Rip that armor off your heavy heart. Look me up if you want to, that's fine. Some halfway station on the aforementioned line. Recollections of how and when. Oh, they'll turn to tonic if I go over them again. Cried a little. Lost my pride a little. Went and tried communion. Tastes so good, lips in the morning. Every morning now is how and when. Upward glance, sifting through the heap. Lord, all I really need is one star. Voilà, donc à l'instant, l'extrait One Star, donc extrait éponyme de l'album One Star de Young Stoner, notre second album de la semaine. On poursuit avec de la pop atmosphérique. On commence par le fameux trio londonien d'auteurs, trio mené par Elena Tora, chanteuse de chant très sensuelle, donc trio qui a sorti son troisième album cette année. L'album s'appelle Stéréo. Excusez-moi. L'album s'appelle Stéréo Mind Game. Donc leur troisième album depuis 2013. Ils n'avaient rien sorti depuis leur Not to Disappear de 2016. Voilà, donc c'est la pop atmosphérique, sombre, mélancolique, lyrique, avec pas mal de passages éthérés, très, très arrangés, pas mal de recours à l'électronique également. Voilà. Et au niveau paroles, elle fait le deuil d'une relation assez toxique. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Neptune. Donc, d'auteur, c'est parti. We're so blue, my Neptune. So I'll remove for future hands to so donc à l'instant, c'était un extrait du troisième album depuis 2010 de Philippe Selloué, donc le batteur de Radiohead. L'album s'appelle Strange Dance, donc c'est un troisième album solo. Le morceau qu'on a écouté s'appelle What Keeps You Awake at Night. C'est sorti chez Bella Union, voilà, c'est de la pop atmosphérique, posée, éthérée, aérienne, pleine de grâce, riche en mélodies, très arrangée, voilà. Les morceaux sont délicatement ciselés, il y a beaucoup de violon. Son chant est à noter puisqu'il a délaissé la batterie pour se consacrer uniquement sur ce chant un peu voilé qui parsème tout l'album. Il s'est également adjoint les services d'un bassiste tard, à savoir Adrien Nutley de Portiched. Voilà, ça fait assez penser à ce que peut faire Marcolis, le regretté Marcolis au sein de Talk Talk. Voilà, bel album donc, ce Strange Dance de Philippe Selloué. On poursuit avec le troisième album de la semaine, qui est un album de jazz, donc une fois n'est pas coutume, qui est signé London Brew. Donc London Brew, c'est un collectif londonien, c'est un projet peut-être unique, je pense, organisé par un certain Martin Tenefe, guitariste du groupe Aparajic, qui à la base voulait faire une tournée hommage au 50e anniversaire d'un très très fameux album, le Beaches Brew de Miles Davis. Mais cela n'a pas pu se faire, puisque c'était en 2020, en pleine pandémie. Donc à la place, il a organisé une session d'impro de 3 jours avec la crème du jazz londonien, donc notamment la saxophoniste Nubia Garcia, le batteur Tom Skinner, des Sundance Kemet, qu'on a également pu avoir dans The Smile avec les deux membres de Radiohead. Dave Okumu de Guilt et de The Invisible, Shabaka Hutchings, le saxophoniste, Theon Cross au tuba, Tom Herbert à la bassiste électrique. Il y a la double basse, voilà, enfin bref, plein de beau monde. La crème du jazz londonienne, donc, comme je disais. Voilà, niveau musical, il n'y a pas de. C'est pas des reprises, mais un hommage plutôt. Quelque chose qui est très inspiré de Beaches Brew, mais qui n'est pas Beaches Brew, qui alterne des moments méditatifs, voire atmosphériques, avec des choses un peu plus décousues, plus borderline. Et le tout conserve une musicalité assez folle. Il y a un bon équilibre, un bon mélange entre un passé jazz et des inclinations plus électroniques. Tout ça est vraiment bien équilibré. On va écouter 2 morceaux. C'est parti pour un peu plus d'un quart d'heure de musique. Le premier s'appelle Mile Chase, New Wood in the Church. Et le second s'appelle, un titre un peu étrange, No Sha Ni Sha Nu Osra. Voilà. Donc London Brew, c'est parti. Thank you.

Voilà, à l'instant, c'était le second extrait de notre troisième et dernier album de la semaine, l'excellent album éponyme de London Brew, peut-être le seul album qu'ils feront jamais, puisque c'est un album impro, on verra bien. On termine l'émission avec du folk. Du folk qui vient d'Écosse et qui est signé Alasdair Roberts. Donc l'album s'appelle Grief in the Kitchen and the Mirth in the Hall. C'est son 15e album depuis 2001, donc d'assez actif. Surtout qu'il a fait également 10 albums de plus sous le nom Appendix Out et qu'il fait également partie du super groupe folk écossais The Furrow Collective. Donc voilà, il a une œuvre alternant reprises de standard folk, notamment de son pays, donc l'Écosse, et d'autres. D'autres albums où il a écrit tous les morceaux lui-même, hein, à la main. Et il a également pu faire des disques un petit peu plus pop. Voilà, donc cet album-là se niche clairement dans la première ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des reprises standard folk écossaises. C'est un album enregistré en direct, en studio. Les instruments, c'est assez minimaliste, c'est piano, guitare et voix. C'est des reprises de standard folk qui viennent à la fois d'Écosse pour la plupart, mais également d'Irlande et des îles du Prince Édouard, donc des îles au large du Canada. Voilà, c'est des paroles qui ont pour point commun de traiter de divers conflits, conflits de genre, conflits de classe, conflits de statut social ou marital, conflits de géographique ou liés à l'appartenance tribale. Voilà, et ces conflits, et ça traduit ces conflits, des situations qu'elles engendrent. Voilà, au niveau interprétation, une voix assez frêle, magnifique touchée de guitare, et voilà. Tout ça est sorti chez Drag City, et le morceau collecté s'appelle Bom Nourris. Il conclura cette émission, je ne vous dis pas dans à 15 jours, puisque je serai en vacances. Il y aura peut-être Nico dans 15 jours. Vous verrez bien. En tout cas, à très très bientôt, au pire en octobre. Bisous. Bob Norris is to the greenwood. The siller shot afar in the shining gowd ahead. He said unto his little boy John, I see what you didn't see. The very first woman that ever I loved, or that ever loved me. This pair o' gloves, they're o' the siller grey, and tell her to come to the merry green wood to speak to Bob Norris. Gae tak to her this gay gowd ring, it's all gowd but the stain, and tell her to come to the merry green wood. Ask the leverin. A Donegang to Barnard's Hall, a Dorna for my life, a Donegang to Barnard's Castle to deprive him o' his wife. Do I no pay your gout, he said, do I no pay. Stand my bidding, sir, when I bid you to flee. If I should go to Barnard's Hall, say Sarah again my will, I vow, I doubly vow, it shall be done. done for ill. Been